car les cheveux surtout gardent l'eau dans leur flange, je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Je montais doucement, sans effort, quand je sentis un choc. Alors ? Le quart d'heure est passé, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Ça, voyons, je suis ivre, cette voix. Et ce n'est Cyrano ? Ils viennent à l'instant d'échanger leur anneau. Qui cela ? Ciel !